Cheveux bruns ou noirs, une fanfiction d'une phrase écrite par Mia, alias Mia QC. Ce que je trouve étrange sur cette sombre Alice dont je suis tombée amoureuse, c'est que ses cheveux soient soit bruns, soit noirs.